commence par un chat. Vous le connaissez, ce chat, enfermé dans une boîte avec une fiole de poison. Il est à la fois vivant et mort, jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte et que vous fixiez son état. Mais tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, tant que vous n'avez pas observé, le chat de Schrödinger coexiste dans les deux états, vivant et mort. Et si vous n'ouvriez jamais la boîte, que se passerait-il? Si vous ne mesuriez jamais ce système, finirait-il par se déterminer? Pour un chat, certainement, puisque c'est un organisme mortel. Mais pour une particule, qu'est-ce qui va décider de son état? Est-ce toujours l'observateur? La réalité n'existe-t-elle que parce que nous provoquons sa réduction en l'observant? Et est-ce que vous avez bien pensé à nourrir le chat d'ailleurs? Chérie, j'ai encore réduit le paquet d'ondes, c'est le programme en deux parties qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et oui, encore réduit, parce que le paquet d'ondes a été réduit une première fois, à cette antenne en tout cas, c'était le 13 octobre dernier. Chose promise, chose due, voici donc la deuxième partie de cette discussion captivante sur la réduction de la fonction d'onde et le passage de la physique quantique à la physique classique, avec les deux mêmes brillants interlocuteurs que nous sommes ravis de retrouver. Alexia Ofev, bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut Néel de Grenoble. Et Michel Bidbol, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS en philosophie des sciences aux archives Husserl de l'École normale supérieure. On va vous retrouver dans quelques instants. Mais avant de plonger dans ce deuxième épisode, on déroule notre série quotidienne d'actualité des sciences et de la recherche avec Natacha Triou et le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue hier dans la revue Nature, Astronomie, les sursauts radio rapides sont peut-être beaucoup plus courants qu'on ne le pense. Et les sursauts radio rapides, les fast radio bursts, ce sont des explosions d'ondes radio d'une milliseconde et extrêmement puissantes. Il y a deux semaines, pour la première fois, on en détectait dans notre galaxie et on en découvrait l'origine. C'est important parce que depuis leur découverte, en 2007, c'était un mystère. Grâce aux observations de différents télescopes, en avril, on sait que cette éruption radio provient d'un magnétar, une jeune étoile à neutrons au champ magnétique intense. Il est situé à environ 30 000 années-lumière de la Terre, donc relativement proche de nous. Dans cette nouvelle étude, une équipe internationale prouve que ce magnétar produit des sursauts radio rapides en rafale. Il est à l'origine de trois autres signaux. Deux rafales à 1,4 secondes d'intervalle ont été captées en mai aux Pays-Bas, puis un autre signal a été détecté en Chine. Alors ils sont beaucoup plus faibles que le signal initial, mais ils représentent toute une gamme de puissances. Est-ce qu'un seul mécanisme produit toutes ces émissions? Pourquoi sont-elles périodiques? Voici de nouveaux casse-têtes pour les astrophysiciens. Et puis des casse-têtes que nous allons tenter de résoudre partiellement vendredi en compagnie du camarade Sébastien Carassou qui sera avec nous pour notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Mais tout de suite, on passe au bref. Le Conseil d'État a autorisé Alicem, la très controversée application de reconnaissance faciale. En France, la reconnaissance faciale avance doucement mais sûrement. L'année dernière, le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés ont imaginé Alicem, une application d'identité numérique pour tout ce qui est procédure administrative en ligne et qui permet, grâce à des données biométriques, de s'authentifier. L'Association de défense des libertés numériques, la Quadrature du Net, avait alors mené une action en justice contre l'État pour excès de pouvoir. L'application soulève de nombreuses questions, notamment sur la protection des données personnelles ou sur la notion de consentement. La haute juridiction a rejeté le recours de la Quadrature du Net. L'application Alicem devrait être lancée prochainement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de rougeole progresse partout dans le monde. En 2019, cette infection virale très contagieuse a touché dans le monde plus de 869 000 personnes et a causé plus de 200 000 morts. Depuis 2016, cela représente une hausse des décès de près de 50%. C'est son plus haut niveau depuis 23 ans. Quant à la France, entre 2018 et 2019, on recense plus de 6 000 cas de rougeole. Cette hausse s'explique par une vaccination insuffisante qui s'effectue en deux prises. Ce rebond épidémique inquiète l'OMS et l'UNICEF. Les deux organisations craignent craignent que la lutte contre la Covid-19 aggrave la situation. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Geoscience, un ancien fragment de l'océan Pacifique a été détecté sous la Chine. Une équipe américano-chinoise a découvert les vestiges de l'ancien fond marin de l'océan Pacifique à plus de 400 km de profondeur. Les chercheurs ont utilisé les données d'un réseau géant de plus de 300 stations sismiques dans le nord-est de la Chine. On sait que les processus de subduction, quand une plaque tectonique plonge sous une autre plaque avant de s'enfoncer dans le manteau terrestre, ce processus de subduction transporte des roches chimiquement différenciées. En analysant les vitesses sismiques et leur discontinuité, les chercheurs ont découvert cette dalle rocheuse qui tapissait autrefois le fond du Pacifique. C'est une relique de la lithosphère océanique. Merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Nous avions donc initié le 13 octobre dernier à ce micro une discussion absolument passionnante sur la fonction d'onde et sa réduction, soit le passage du microscopique au macroscopique, et pourquoi la matière finalement se comporte-t-elle selon les lois de la physique quantique avec son indétermination, son principe d'incertitude et j'en passe à la physique relativiste lorsque l'on change d'échelle. Et nous avions commencé à affleurer un débat autant physique que philosophique et métaphysique, quelle est la position de l'observateur. Est-ce l'observateur qui provoque la réduction du paquet d'ondes en mesurant un système? Et finalement, que peut être la nature du réel et le rôle de l'observateur vis-à-vis de cette nature? Et comme cela m'arrive parfois, j'avais conclu l'émission en promettant qu'il y en aurait une autre et pour poursuivre ce dialogue, promesse aujourd'hui tenue avec les mêmes interlocuteurs brillants et captivants que nous avions eu le 13 octobre, Alexia Ofev et Michel Bidbol, que je remercie à nouveau d'avoir répondu présent. Et que je remercie également pour me permettre de pouvoir faire ce dont je rêve depuis maintenant 5 ans que je présente cette émission, précédemment dans La Méthode Scientifique. Le sens de la fonction d'onde, c'est ça, c'est qu'on peut avoir une particule qui peut se trouver à plusieurs endroits dans l'espace, et ce plusieurs endroits dans l'espace, on ne peut pas le comprendre comme étant soit ici, soit là, soit encore là, mais à la fois ici, là et là-bas. Ce qui est intéressant, Michel Bidbol, c'est que ce qui est vrai pour les photons, c'est la nature ondulatoire et corpusculaire des photons, va être avéré également pour la matière. Oui, exactement. D'ailleurs, je pense que pour vous faire comprendre la signification de la fonction d'onde, le mieux que je remonte à l'histoire. L'histoire qui commence bien avant la mécanique quantique et la relativité au 19e siècle, où on admettait qu'il y avait deux sortes de réalités. La réalité des ondes électromagnétiques, donc ondulatoires, et la réalité de la matière qui était faite de particules. Et puis, Einstein, en 1905, a considéré que cette lumière, qui jusque-là était décrite comme une onde, devait en fait se voir associée à un petit corpuscule qu'il appelait justement un quantum de lumière, ou plus tard un photon. Donc il a associé un corpuscule à l'onde électromagnétique. Et puis, un peu plus tard, Louis de Broglie dit que certaines expériences ne peuvent s'expliquer que si on fait exactement le contraire, c'est-à-dire si on associe systématiquement une onde au corpuscule de matière. Peut-être un mot de conclusion, Alexia Ofev, là-dessus, parce que vous avez vous-même développé, mais alors c'est difficile parce qu'il reste vraiment très peu de temps avec Philippe Grangier. Il va falloir réinviter. Il va falloir recommencer. Non, mais vous savez quoi, on va refaire une émission complète sur la réalité des pontelles de l'observateur. Voilà, on est dans une série. Vraiment, le suspense est quasiment insoutenable. C'était donc le 13 octobre dernier. Voici la suite. Comme je le disais, pour comprendre, pour suivre cette émission, je vous renvoie évidemment vers cette émission du 13 octobre. Et on va pas tout réexpliquer. On va partir d'un certain nombre de présupposés. On vous met le lien vers l'épisode 1 sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et Alexia Ofev, on va reprendre à la seconde où nous avions arrêté. La réalité dépend-elle de l'observateur? C'est parti, allons-y. La question, c'est la réalité dépend-elle de l'observateur? Oui. À cette question, je réponds non, mais je pense qu'il y aura une heure pour développer autour, parce que c'est vraiment un des points clés du débat actuel en fondement de la mécanique quantique. élaborer parce que là, c'est On une va question reprendre. Non, non, mais énorme tout de c'était non, non, mais évidemment, c'était pour reprendre exactement là où nous nous étions arrêtés. Peut-être que on peut remettre un tout petit peu de contexte là-dedans, peut-être un peu de contexte historique, Michel Bidbol, puisque on s'était arrêté pour parler de l'objectivité contextuelle et de votre théorie, Alexia Ofev, hein, le CSM. Et on va en reparler. Ce sera, à mon avis, plutôt dans la deuxième partie de l'émission. Mais peut-être, Michel Bidbol, peut-on revenir à la source de cette sorte de discorde, autant physique que philosophique, qui a quasiment plus de 100 ans et qui a scindé la communauté physique en deux, avec d'une partie, d'un côté, bien les gens et les physiciens qui estimaient que c'est l'observateur qui, par sa mesure, fait s'effondrer la fonction d'onde, et de l'autre côté, eh bien, des gens qui pensent au contraire qu'il y a une nature absolument déterministe à la réalité. Comment est-ce qu'on peut bien résumer finalement cette opposition de conception? Alors écoutez, en effet, je pense qu'il faut revenir à la base, à l'histoire, au tout début. Et à mon avis, le tout début, c'est à l'époque où Niels Bohr offrait une sorte de modèle imagé de l'atome. Vous le connaissez tous, ce modèle imagé de l'atome, c'est un petit noyau au centre, des électrons qui tournent autour et qui de temps en temps sautent d'une orbite à l'autre. Et à chaque saut, elles émettent un petit peu de lumière. Bon, ça c'était l'image, si vous voulez, que Bohr a proposé en 1913. Et puis, il s'est rendu compte progressivement que l'image avait certes des vertus, qu'elle permettait d'expliquer beaucoup de choses, mais que, progressivement, on laissait apparaître des défauts. Elle n'expliquait pas tout. Il était très difficile d'expliquer certains des éléments lumineux qui partaient de l'atome à partir de cette image. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Bohr a commencé, comme on le dit, à critiquer les images. Il était devenu iconoclaste, en quelque sorte. Et Heisenberg, qui a compris la leçon de Bohr, a immédiatement imaginé quelque chose de profondément neuf dans la physique. Il a dit, eh bien, puisque on ne peut plus se faire l'image des choses que nous tentons d'observer, alors on va restreindre la physique aux observations elles-mêmes. C'est ce qu'on a appelé la réduction aux observables chez Heisenberg. Donc, d'un coup, on passait d'une physique des choses extérieures à une physique des observations, à une physique de l'indivisibilité entre ce qui est observé et les moyens instrumentaux de l'observation. À tel point que Niels Bohr, en 1930, a tout simplement dit « C'est fini l'époque où nous pensions être les observateurs de la nature. Maintenant, nous pouvons nous considérer comme des acteurs dans la nature. » Nous intervenons dans la nature et ce que nous faisons pour observer ne peut plus être soustrait des choses que nous observons. Voilà comment a commencé l'histoire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot, est-ce qu'il vous semble pertinent de dire un mot du congrès Solvay en 1927 qui tranche vraiment entre deux camps ou deux partis qui ne conçoivent pas, qui ne voient pas justement et qui ne s'accordent pas sur ce rôle et sur la position de l'observateur dans bien la définition du réel, Michel Bidbol? Oui, bien sûr. Alors en 1927, je ne dirais pas qu'il y avait deux partis, mais même trois. La première partie, c'était l'école de Copenhague avec Bohr et Heisenberg. Et donc eux, effectivement, pensaient que l'observateur, et surtout les moyens d'observation, avaient un rôle considérable à jouer, parce qu'on ne pouvait pas vraiment les soustraire du résultat de l'observation elle-même. Le phénomène ne peut pas être divisé en une part qui revient à l'objet et une part qui revient aux instruments. Ça, c'était leur thèse. Les autres participants, c'est par exemple deux autres très importants, ou trois autres, je dirais, ben, c'est ça le problème. Mais enfin, les trois autres, c'est Louis de Broglie, Erwin Schrödinger et Albert Einstein. Alors, Louis de Broglie avait un modèle, vous le savez, le modèle où il associait une particule et une onde qui guide la particule. Donc pour lui, c'était bel et bien possible de faire une description complètement extérieure des choses qui existent dans la nature, à condition de les concevoir comme des dualités onde corpuscule. Et puis, Erwin Schrödinger, lui, concevait ces mêmes choses, non plus comme des dualités onde corpuscule, mais comme des pures ondes. Donc, c'était un autre point de vue. Et enfin, Einstein était penché plutôt du côté des deux derniers que je viens de citer, mais surtout, il critiquait très vertement l'interprétation de Copenhague, parce que pour lui, il y avait beaucoup de contradictions qui émergeaient lorsque on prétendait ne plus pouvoir séparer les moyens d'observation de l'objet que l'on observe. Donc vraiment, vous voyez, c'est un débat entre ce qu'on appelle les réalistes, ceux qui pensent qu'on peut décrire la réalité indépendamment de tout ce que l'on fait pour l'observer, et puis les moins réalistes, je ne sais pas si on peut les appeler même des anti-réalistes, mais ceux qui pensent qu'on ne peut pas soustraire le moyen de d'observation des objets que l'on est en train d'essayer d'observer. On pourrait les appeler les probabilistes éventuellement, est-ce que ça vous conviendrait comme terminologie ? Alors, la probabilité, ça va avec, vous avez raison, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, la probabilité est une conséquence de cette indivisibilité. Et je crois qu'Alexia Ofèvre a des idées très intéressantes sur la façon de dériver les probabilités de la contextualité. Alexia Ofèvre, je vous en prie. Oui, moi je voulais rebondir sur l'aspect historique pour introduire une petite expérience de pensée qui, en fait, aide très bien à comprendre pourquoi la mesure est si indissolublement liée au système. C'est l'expérience de pensée du microscope de Heisenberg. Donc l'idée, c'est que, en fait, en mécanique classique, l'état d'un système physique ou d'une particule peut être parfaitement décrit par sa position d'une part et par sa quantité de mouvement d'autre part. Et une fois qu'on connaît la position et la quantité de mouvement, en fait, on est capable de prévoir à n'importe quel temps la position et la quantité de mouvement d'une particule, c'est-à-dire sa trajectoire. Donc, la connaissance de cet état, de ce micro-état qui est la position et la quantité de mouvement, c'est le but désirable de la mécanique classique, on pourrait dire. Et ce qui se passe en fait en mécanique quantique, c'est que une particule, si je veux connaître sa position, il va falloir que je la mesure. Et une façon de la mesurer, c'est d'envoyer de la lumière dessus. Et ultimement, d'envoyer un seul grain de lumière dessus, qui va être un petit photon. Et en fait, rien que ce petit photon va porter en lui une quantité de mouvement qui va se transférer à la particule. Et en d'autres termes, en essayant de connaître la position de la particule, je vais produire un choc et je vais changer sa quantité de mouvement. Donc, c'est là, en fait, avec cette expérience de pensée, qu'on arrive à toucher du doigt tout le problème de la mesure en physique quantique, qui est que si j'essaye, en fait, de mesurer une particule quantique, j'interagis avec. Et à partir de là, effectivement, il y a deux camps qui peuvent se mettre en place. Un camp qui va prétendre que ça a un sens de parler de position et de quantité de mouvement, mais que cette position et cette quantité de mouvement sont d'une certaine façon cachées, parce que quand on envoie un photon dessus, on se comporte un petit peu comme des bourrins, et on n'est pas capable d'adresser finement la particule et d'extraire proprement l'information qu'on veut avoir. Et donc ça, c'était le camp d'Einstein, c'est le camp finalement de tous les partisans des variables cachées, donc on peut appeler ça du réalisme naïf. Et puis en face, il y a un camp qui prétend que finalement, puisqu'on n'est pas capable d'adresser cet état, d'avoir accès aux positions et aux quantités de mouvement d'une particule, ça n'a aucun sens même de parler de cet état. Et c'est le camp qui a été porté, inauguré par Bohr, Heisenberg, et puis ensuite par toute une suite de scientifiques. Peut-être qu'on peut justement dérouler un peu et arriver, si c'est le schéma que je vous propose, on peut évidemment faire des allers-retours autant que vous le souhaitez avec le présent, mais peut-être justement dérouler l'histoire de la pensée scientifique jusqu'à aujourd'hui pour examiner aujourd'hui finalement quelles sont les théories ou les conceptions qui se sont enrichies et qui ont résisté qui ont été éprouvées finalement par différentes expériences, mais par différentes aussi apports scientifique. Michel Bitbol, peut-être qu'on peut dire un mot des inégalités de Bell qui vont nous conduire ensuite à l'expérience d'Alain Aspect, qui va nous conduire elle-même aux travaux de Philippe Grangier et d'Alexia Ofèvre. Qu'en pensez-vous ? Oui, pourquoi pas. On peut en effet s'intéresser aux inégalités de Bell, vraiment, et au théorème de Bell également, encore plus important. Donc c'est un théorème qui a été formulé par John Bell vers 1964, 4 et qui porte sur quelque chose de très important. Ce que Bell essaye de montrer, c'est que si on fait l'hypothèse que quelque chose de la réalité est prédéterminé par ce que l'on appelle des variables locales, eh bien alors on aboutit à des inégalités, et ces inégalités ne sont pas respectées ni par les prévisions quantiques qui étaient déjà connues à l'époque, ni par les expériences qui ont été faites bien plus tard, par exemple par Alain Aspect, Philippe Grangier, etc., et qui ont montré que les inégalités n'étaient pas respectées. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, puisque ces inégalités de Bell ne sont pas respectées? Eh bien, la conclusion, c'est que l'une des deux hypothèses qui permettent de dériver les inégalités de Bell doit être rejetée. Quelles sont ces hypothèses? On l'a vu, mais de façon très implicite, tout à l'heure. La première hypothèse, c'est que il n'y a aucune influence non locale entre des particules distantes. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose qui détermine les réponses de ces particules distantes, quelque chose qui est leur propriété réelle, intrinsèque. Donc si on combine ces deux hypothèses, c'est-à-dire localité et réalité des propriétés des particules, on aboutit à des inégalités qui sont violées par la mécanique quantique et non respectées par l'expérience. Donc voilà où on en était vers 1981. Peut-être un mot là-dessus pour compléter justement ce parcours historique de Michel Bidbol, avec justement les expériences d'Aspect et de Philippe Grangier, et finalement effectivement d'une certaine manière l'invalidation de la vision réaliste locale que soutenait notamment Einstein. Alexis Ofèvre. Oui, en fait, c'est cette violation des inégalités de Bell qui a été réalisée pour la première fois en 82 à l'Institut d'Optique. C'était un petit peu une réponse à ce que je racontais tout à l'heure sur le microscope de Heisenberg. Le fait que on puisse finalement pas attribuer à une particule position et quantité de mouvement en même temps, que ça n'a pas de sens, parce qu'attribuer à une particule une position et une quantité de mouvement en même temps, ça revient à lui donner une variable cachée. Et ça, c'est ce qui a été invalidé effectivement par les inégalités de Bell. Et ça nous amène à réfléchir à des ontologies alternatives pour la mécanique quantique. Donc c'est là-dessus qu'on a progressé. C'est intéressant parce que comme on évoque Heisenberg, pour que nos auditrices et nos auditeurs se rendent bien compte, ce camp-là, alors qu'on peut pas appeler tout à fait les probabilistes, les quanticiens, je ne sais pas, il faudrait trouver tout de même un mot pour déterminer ce que représente leur point de vue, mais Heisenberg écrivait en 58, et je trouve ça intéressant de voir jusqu'où ces théories ont pu pousser la réflexion, l'idée d'un monde extérieur objectif dont les constituants élémentaires existent de la même façon que les pierres et les arbres existent, indépendamment de l'observation, est impossible, écrivait Heisenberg, Michel Bidbol. C'est-à-dire que pour Heisenberg, il n'y a plus aucune réalité objective, ça n'existe plus. Il n'y a plus de réalité objective au sens d'une impossibilité de séparer ce qui revient à l'observation et ce qui revient à la chose observée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose sur lequel on puisse se mettre d'accord tous, ensemble, et donc réaliser l'idéal minimal de l'objectivité, qui est que toute personne effectuant la même expérience doit se mettre d'accord avec une autre personne qui a effectué cette expérience auparavant. Donc voilà l'idée nouvelle de l'objectivité qui jaillit de la discussion sur la physique quantique. C'est certains ont appelé ça l'objectivité faible, en particulier Bernard d'Espagna, mais on pourrait dire que c'est la définition tout à fait correcte et minimale de l'objectivité qui a été en particulier posée par le philosophe Emmanuel Kant vers 1781 dans la critique de la raison pure. Alexis Ofèvre. Oui, pour rebondir sur ce concept d'objectivité, il est vraiment extrêmement important en fait, et je pense que il ne faut pas faire un contresens fondamental et confondre l'observateur et l'appareil de mesure. En fait, on peut parfaitement coupler un système quantique et son appareil de mesure. On peut mettre un spin dans un Sternegger-Lac, on peut mettre un photon et l'envoyer dans un polariseur. ce qui va sortir du polariseur, ce qui va, la tâche de lumière qui va sortir du Stern-Gerlach, ça ne dépend pas de la présence de quelqu'un qui observe ou pas. Donc, on peut parfaitement avoir des résultats objectifs dans le sens, s'il n'y a personne pour les regarder, ces résultats sont là quand même. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important pour la mécanique quantique. Très souvent, on confond encore une fois l'observateur et l'appareil de mesure, et c'est la voie ouverte vers des interprétations subjectivistes de la mécanique quantique qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est une théorie physique. Et les théories physiques, on attend d'elles qu'elles soient objectives. Enfin, moi, je crois. le Stern-Gerlach dont vous parlez, on va vous mettre un lien. C'est une expérience qui a été menée au tout début, une expérience de mécanique quantique qui a été menée au tout début des années 20. On va vous renvoyer le lien pour si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Oui, ce qui est intéressant, et je pense qu'effectivement, Alexia Ofev a raison d'insister là-dessus, Michel Bidbol, on parle bien, non pas juste du fait que ce soit la présence de l'observateur en tant qu'individu conscient et pensant qui serait juste la personne qui donnerait ou qui pousserait une interprétation de la réalité, mais en fait vraiment l'interaction de la particule quantique avec finalement le contexte de l'instrumentation. Alors effectivement, ça c'est un point absolument crucial, le contexte expérimental. Alexia Ofev insiste dessus et elle a raison. Maintenant, il y a aussi, vous savez, une expérience de pensée sur laquelle on discute beaucoup en ce moment, qui pose une question probablement encore plus abyssale, qui a à voir effectivement non seulement avec l'appareil de mesure, mais aussi peut-être au point de vue de l'observateur. Vous connaissez cette expérience de pensée. C'est l'expérience de pensée de l'ami de Wigner. Ah, alors, je vais vous arrêter, Michel Bidbol, parce que c'est précisément l'objet de notre reportage et on va avoir justement tout un petit sujet à ce propos et autour aussi de l'interprétation du quantum bayésien de la réalité. On va y revenir dans quelques instants. Peut-être un mot avant d'arriver sur l'ami de Wigner. Peut-être, est-ce qu'on peut dire, alors je vais vous proposer une formulation et je vais vous laisser y réagir ou la contredire ou la préciser l'un et l'autre pour essayer de résumer un peu le pourtour en fait de nos propos et de ce à quoi a amené l'histoire de l'interprétation de la réalité par la physique quantique. On pourrait dire qu'en fait aujourd'hui le débat ou les débats se situent entre savoir si l'effondrement du paquet d'ondes est finalement un phénomène qu'on pourrait qualifier de réel. Alors là déjà on a des problèmes de terminologie parce qu'il faut encore faudrait-il définir ce qu'est le réel, mais enfin s'agit-il d'un phénomène réel ou s'agit-il finalement du fait de l'observateur d'une interprétation objective de la manière d'observer les particules? Est-ce que on peut poser le débat en ces termes-là selon vous, Alexia Ofev? Donc si je reformule, le débat tel que vous le posez serait entre une interprétation ontique et une interprétation épistémique de la fonction d'onde. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un des aspects du débat. L'interprétation épistémique de la fonction d'onde, c'est celle qui va être présentée, j'imagine, dans le cadre du quantum bayésianisme. Tout à fait. Où on a une approche finalement assez intuitive, notamment des sauts quantiques, par exemple, qui ne représenteraient pas un phénomène réel, mais juste le fait que tout d'un coup, on devient connaissant d'un résultat. Et effectivement, notre connaissance, elle peut se prêter à des sauts, puisque avant que je mesure, je suis ignorant, et après que je mesure, je ne le suis plus. Donc ça, c'est un aspect. J'ai envie de dire que l'interprétation qu'on a développée, qui repose encore une fois sur le fait que on a un système qui est en interaction avec un contexte, c'est quelque chose où la fonction d'onde... La fonction d'onde en tant qu'attribut d'un système, c'est quelque chose qu'on ne peut plus utiliser. Donc, je pense que le débat est moins simple que épistémique versus ontique pour finir de répondre. Michel Bidbol. Oui, ça c'est très important. Effectivement, il y a une dichotomie dont vient de parler Alexia Ofev entre l'interprétation ontique de la fonction d'onde, qui dirait la fonction d'onde décrit la réalité telle qu'elle est d'un côté, la réalité extérieure, et de l'autre, l'interprétation épistémique, où on dirait la fonction d'onde décrit juste notre réalité intérieure, si j'ose dire. C'est-à-dire ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous connaissons sur les choses extérieures. Mais, Et là aussi, je rejoins un peu Alexis Ossef, c'est qu'il y a une troisième possibilité. Je dirais que c'est ni totalement extérieur, ni totalement intérieur. La fonction d'onde ne dénote ni les choses hors de nous, ni ce que nous pensons d'elle, mais elle dénote quelque chose au fond de l'interface entre les deux, de l'interaction entre les deux. Et ça, c'est vraiment neuf. Et on va voir que bien entre ces trois interprétations, il y a plusieurs propositions, plusieurs approches, plusieurs théories qui essayent d'appréhender cette complexité de la nature du réel et de notre appréhension du réel. Et c'est ce dont il va être question dans quelques instants. The Green Ray, de Emma Sand Group, qui est un groupe français, un groupe de musique indépendante. Et comme vous le savez, tous les jours depuis le confinement, c'est un peu notre geste envers la scène musicale française indépendante. On essaie de soutenir les petits groupes qui traversent une période un peu dure pendant ce deuxième confinement. Ceci étant dit, à 16h35, c'est le deuxième épisode d'une série d'émissions consacrée à la réduction de la fonction diffraction d'ondes et donc à cette grande énigme du passage du microscopique au macroscopique. Et après, eh bien, une première émission, nous abordons aujourd'hui la question de l'observateur, du lien qu'il peut y avoir entre l'observateur et le réel. Quelle est la fonction, quel est le rôle de l'observateur? La réalité est-elle strictement dépendante de l'observateur ou peut-elle être considérée comme objective ou universelle? Nous en parlons avec Alexia Ofèvre, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut Néel de Grenoble, et Michel Bidbol, qui est directeur de recherche émérite au CNRS en philosophie des sciences aux archives Husserl de l'École normale supérieure. Nous allons donc examiner les différentes théories aujourd'hui qui tâchent de discriminer entre cette réalité dite objective et déterministe ou une réalité au contraire dépendante de l'observateur et plus probabiliste. Et on ne va pas commencer avec le plus simple. Accrochez-vous un peu puisqu'on va aborder dans notre reportage du jour ce qu'on appelle le cubisme ou le quantum bayésianisme, qui soutient que la fonction d'onde n'est qu'une notion entièrement subjective. Céline Lezenne, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, comme la théorie du cubéisme, c'est-à-dire le quantum bayésianisme, le bayésianisme quantique. C'est une approche qui n'est pas nouvelle puisqu'elle a été vraiment exposée en 2001 par trois physiciens, Christopher Fuchs, Carlton Caves et Rüdiger Schack. D'après le cubéisme, la fonction d'onde n'aurait plus aucune réalité et ne serait juste qu'un outil mathématique qui porte les croyances de l'observateur pour faire des prédictions. Pour m'expliquer les ressorts de cette théorie et ses limites, je suis allée voir Alexei Greenbaum, physicien et philosophe au LARSIM du CEA de Saclay, et qui étudie ce genre d'approche subjective de la réalité et de la mesure. Ces interprétations subjectives bayésiennes. C'est un courant qui se développe beaucoup depuis la fin des années 90, je dirais, et qui interprète les probabilités comme les degrés de croyance de l'observateur. Alors, cet observateur, est-ce un agent humain? Est-ce une machine? Bonne question. Donc, cette histoire de subjectivité de l'observateur, c'est ce qu'on appelle l'expérience de l'ami de Wigner. C'est une figure imaginaire, bien sûr. Il y a un observateur qui fait une mesure, justement, et donc il obtient, par exemple, le résultat avec le chat de Schrödinger, comme vous connaissez, que le chat est mort ou le chat est vivant. Et donc cet observateur, il obtient bien un résultat déterminé. Mais ensuite, cet observateur, il est en fait au sein d'une boîte, au sein d'un laboratoire complètement fermé. Et il y a un deuxième observateur qui mesure l'état de toute cette boîte. Et le deuxième observateur, il ne connaît pas le résultat du premier. Donc, il décrit leur état comme une superposition de deux états sans résultat déterminé de mesure. Et cette expérience, pendant des décennies et des décennies, était une expérience de pensée sur ce qu'on appelle les figures triangulaires. Ces figures triangulaires sont très intéressantes. Par exemple, Carlo Rovelli en a parlé déjà dans les années 90. Donc, un système quantique, un premier observateur et puis un deuxième qui observe à la fois le premier et le système quantique. Et donc, cette année, on a fait des expériences réelles avec des mesures thermodynamiques qui permettent enfin de ramener cette expérience de pensée de l'ami de Wigner dans le domaine de la vraie théorie quantique expérimentale et d'en tirer des conséquences tout à fait fondamentales pour la question d'objectivité. Le cubéisme s'appuie sur le théorème de Bayes, sur des probabilités bayésiennes conditionnelles. En quoi cette approche probabiliste soutient la notion de subjectivité? Écoutez, le grand paradoxe derrière, c'est que la physique, elle est censée décrire la nature, pas quelque chose qui est dans la tête de l'observateur. La nature, comme elle existe objectivement, indépendamment de toute mesure, de toute observation, c'est la vieille objection d'Einstein qu'il faisait encore à Niels Bohr il y a presque un siècle. Donc on peut très bien former des croyances. Mais par rapport à la physique, c'est bizarre. Pourquoi formerait-on des croyances par rapport à quelque chose qui est censé être objectif, là, indépendant de ce que c'est que cet homme ou cette dame qui fait une mesure? Si on interprète les probabilités de cette manière-là, il faudrait alors dire que les probabilités ne sont pas objectivement dans la nature, que toute description par la mécanique quantique se réfère intrinsèquement à un agent qui l'a fait de manière complètement subjective. Et c'est gênant. Mais là, vous touchez un point très sensible, à savoir qu'en fait, l'activité scientifique peut se réduire à une activité psychologique. Alors non, parce qu'il y a, justement, il y a un troisième terme entre les deux, entre le subjectif total et l'objectif total, et il y a ce qu'on appelle l'accord intersubjectif. Et ça, c'est très intéressant. Même si vous êtes bayésien, cubiste, comme on dit aujourd'hui, vous n'allez pas nier le fait que si vous faites une mesure et puis vous invitez un collègue et il fait la même mesure, bah, il va probablement trouver plus ou moins la même chose. Donc c'est comme ça qu'on avance en physique empirique. Mais pourquoi trouverait-il la même chose? D'où est-ce que ça vient si tout est subjectif? Et là, donc, pose ce problème de l'accord intersubjectif. Et c'est pour cela qu'il est intéressant de regarder les situations triangulaires avec deux observateurs et se poser la question de leur accord. Donc, sous quelles conditions seront-ils d'accord? Et donc, ces interprétations qu'on appelle relationnelles depuis presque 30 ans déjà, ces interprétations, justement, cherche à établir des conditions de l'accord intersubjectif. Non pas réduire tout à un solipsisme, à la pure subjectivité, non, pas de psychisme ou de solipsisme, mais de se dire, ok, même si les probabilités sont subjectives, ça ne veut pas dire que tout est subjectif. Il y a la possibilité de cet accord intersubjectif et il faut étudier les conditions sous lesquelles cet accord est possible. Finalement, on pourrait se dire, mais pourquoi discuter sur le plan philosophique, puisque de toute façon, on est d'accord sur les calculs, que c'est une théorie très performante. Mais le point de vue philosophique oriente aussi la physique. C'est pas seulement la physique qui induit une interprétation philosophique, c'est aussi la philosophie qui oriente vraiment sur les résultats physiques. Oui, écoutez, vous faites sans doute référence à cette thèse célèbre des années 60-70. Taisez-vous et calculez, faites des calculs. Il n'y a rien à voir, calculez. En fait, on a découvert, chemin faisant, hein, que les interrogations philosophiques, les interrogations qui commencent comme des interrogations philosophiques et qui n'ont pas du tout l'air d'influer sur la physique empirique, la physique expérimentale, finissent très souvent par révolutionner notre point de vue sur la théorie, aussi les expériences que nous menons. Donc, se poser des questions qui ont l'air d'être un peu abstraites, un peu philosophiques, peut-être pas tout de suite applicables à la réalité, en fait, ça paye. Voilà ce mot de la fin, se poser des questions pas tout de suite applicables à la réalité. En fait, ça paye, Alexia Lefebvre. Moi, j'ai bu du petit lait en écoutant Alexei. C'est parfaitement résumé. Et effectivement, dire qu'il y a une voie entre l'objectivité et la subjectivité qui est l'accord intersubjectif, on ne peut pas faire plus crystal clear. Ouais. Michel Bidbol, votre réaction à cette explication du cubisme, et on va voir que c'en est une, mais qu'effectivement, finalement, c'est intéressant que ce que dit Alexia Lefebvre, de dire que l'accord intersubjectif, c'est peut-être quelque chose sur lequel tout le monde peut se retrouver plus ou moins, ce chemin intermédiaire. Oui, je suis tout à fait d'accord aussi, c'est-à-dire que ce qu'on doit exiger d'une bonne théorie physique, c'est pas de décrire des choses totalement indépendantes de tout sujet, mais c'est de décrire quelque chose sur lequel tous les sujets peuvent s'accorder. Et les physiciens n'en demandent pas plus. S'ils sont tous d'accord pour dire quelque chose sur ce qui s'est passé dans un laboratoire, et s'ils peuvent se servir de cet accord pour prévoir ce qui va se passer plus tard et pour l'utiliser à des fins technologiques, alors ils n'ont aucune raison de ne pas être satisfaits. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que la vraie recherche qui est en train d'être effectuée en physique est celle finalement de l'accord général sur des situations dans lesquelles on se place et qui nous permettent au fond d'anticiper, de prévoir et d'agir. Ça veut dire qu'on renvoie David Mermin, ce fameux physicien en 89 qu'évoquait Alexei à l'instant, qui avait dit à ses étudiants « ça suffit la physique, ça suffit de faire du jus de cerveau, shut up and calculate ». Ça veut dire que lui, ça y est, cette porte-là s'est refermée, Alexia Lefebvre ? Oh oui, je pense que « shut up and calculate », c'est complètement démodé, on va dire. Plus personne fait « shut up and calculate ». Alors, on va faire exactement l'inverse. Nous, on va penser beaucoup et on va calculer certainement, j'imagine, un peu aussi. On va reprendre, Alexia Lefebvre, là où nous en étions arrêtés lors de l'émission précédente, mais on a plus de temps cette fois-ci, sur vos travaux avec Philippe Grangier, sur cette approche CSM pour Context System Modality. De quoi s'agit-il ? Expliquez-nous un peu dans le détail ce que vous avez produit. Oui, donc c'est vraiment parfait que ça arrive après cette discussion sur l'intersubjectivité versus l'objectivité. Donc CSM, c'est une approche qui a été effectivement développée par Philippe Grangier, moi-même et une philosophe qui s'appelle Naila Farouki. Donc on a fait un petit trio pendant quelques années et notre motivation, ça a été de construire une ontologie pour la mécanique quantique. Et de partir de finalement de faire table rase du formalisme mathématique. Donc il y a une raison assez simple, c'est qu'on avait une philosophe dans la bande et que donc il n'était pas question de commencer les discussions par soit l'équation de Schrödinger et donc voici telle réalité qu'on peut plaquer sur le formalisme mathématique. Là, l'idée, c'était de faire table rase du formalisme. Et au contraire, de partir d'une phénoménologie quantique telle que celle qui nous est donnée par les expériences des laboratoires. Et en ce sens, on peut profiter d'une certaine avance par rapport à Bohr et Einstein et les pères fondateurs de la mécanique quantique, puisque maintenant, on a 100 ans de mécanique dans les pattes. Donc, on peut se permettre de partir d'images claires et d'intuitions claires qui, encore une fois, nous sont données par la phénoménologie. Et l'idée, c'est la première chose qu'on a essayé de construire, c'est se poser la question de ce qu'est un état en mécanique quantique. Et pour ça, en fait, il faut prendre conscience de comment est-ce qu'on construit un état dans notre tête, juste dans la vie quotidienne. Et là, en fait, on peut tous faire une expérience ensemble. Moi, je vois mon écran d'ordinateur. Alors, je vais fermer les yeux. Puis je vais ouvrir les yeux, puis il est toujours là. Puis je peux refermer les yeux, ouvrir les yeux, il est toujours là. Donc vous pouvez faire la manip avec un objet qui est juste à côté de vous. En fait, Sauf si vous êtes au volant, évidemment, on évite. si vous êtes au volant, oui, là je vous prierai, si vous ne pouvez pas fermer les yeux. Donc si on fait cette expérience, en fait, ce qu'on voit, c'est une répétition d'un phénomène. Et cette répétition d'un phénomène, en fait, elle est fondatrice pour nous. Pour construire l'idée de réalité. On peut dire qu'une chose existe si, à nos yeux, on peut faire l'expérience plusieurs fois et voir qu'elle nous envoie toujours le même phénomène. Et à partir de là, on peut aller un pas plus loin et se dire que finalement, même si on n'était pas là, ben cette chose, elle serait toujours là. Donc typiquement, mon écran d'ordinateur, si je descends à la cuisine faire autre chose, mon écran d'ordinateur sera toujours là. Et c'est ça l'objectivité en fait, c'est faire abstraction de l'observation. Finalement, les choses existent toujours, même si personne n'est là pour les observer. Et donc, en fait, ça a été cette idée de répétition et de certitude qu'on a cherché pour construire notre idée de notre proposition pour la réalité en mécanique quantique. Et en mécanique quantique, en fait, dans quelles conditions est-ce qu'on trouve des phénomènes qui se répètent? Donc là, je vais peut-être prendre un exemple, l'exemple d'un photon polarisé. Donc, un photon qui peut être soit mesuré dans une polarisation verticale ou horizontale, soit dans une polarisation diagonale ou antidiagonale. Donc ça revient à deux questions que je peux poser à mon photon. Ce qui se passe en mécanique quantique, c'est que si je mesure la polarisation, si je pose à mon photon la question es-tu horizontal ou es-tu vertical, et que je pose la question plusieurs fois, je vais avoir la répétition de sa réponse. Il va me répondre je suis vertical, je suis vertical, je suis vertical, et ainsi, je vais pouvoir me dire mon photon est vertical. Mais si, je lui pose la question, es-tu horizontal ou es-tu vertical? Puis ensuite, je vais lui demander, est-ce que tu es diagonal ou antidiagonal? Si je lui repose la question, es-tu horizontal ou es-tu vertical, il ne va pas forcément me donner la même réponse que la première fois. Donc, en d'autres termes, en mécanique quantique, la réponse que va me donner un système va dépendre de l'ordre des questions. Et donc, pour avoir une répétition dans les réponses, la conséquence, c'est qu'il ne faut pas que je change mon contexte expérimental. Il ne faut pas que je change le contexte de mon système. Et donc ça nous a amené à dire que finalement, en quantique, l'état d'un système, enfin, l'état, ne dépend pas uniquement d'un système, mais dépend d'un système et de son contexte expérimental. Donc c'est le premier postulat qu'on a appelé postulat CSM et qui dit finalement que en mécanique quantique, contrairement à ce qui se passe en physique classique, ce ne sont pas les systèmes qui ont des états, ce sont les systèmes et leur contexte autour qui ont des états. Et pour distinguer l'état classique de l'état quantique, on a appelé ces états des modalités. Et ce qui arrive, ça me fait penser, et c'est intéressant, un auditeur rapproche ça, j'y avais pas pensé en préparant l'émission et au concept d'agencement chez Deleuze, mais peut-être qu'on va s'éloigner un peu, mais je pense qu'il y a une piste de réflexion peut-être intéressante. Je sais pas, ça vous évoque quelque chose, Alexia Ofev? L'agencement chez Deleuze, ah non. Désolé. Bon, ben voilà, peut-être une piste à fouiller. Michel Bidbol, peut-être un mot sur cette définition, sur ce contexte système modality, sur les travaux justement d'Alexia Ofev, Philippe Grangier. Et rappelez-moi le nom de la troisième personne que je n'ai pas écrit. Dites-moi, Alexia Ofev. Naïla Farouki. Naïla Farouki, voilà. Un mot, Michel Bidbol, à propos de ses travaux. Oui, alors effectivement, je pense qu'il représente une avancée indubitable parce que vraiment, enfin, on se met à penser cette relation entre l'objet, par exemple le photon dont a parlé Alexia Ofev, et l'ensemble des conditions instrumentales qui permettent de lui donner une valeur bien précise, de dire par exemple il passe ou il ne passe pas à travers ce polariseur, à travers le polariseur horizontal ou pas à travers le polariseur vertical. Donc, ce qui en résulte, c'est qu'on peut attribuer un état non plus au photon isolé, mais à l'ensemble du photon, plus son contexte instrumental, par exemple le polariseur. Mais là, justement, c'est là que j'aimerais poser cette fois directement une question à Alexia Ofev. C'est que faire, justement, de l'expérience de Wigner, de l'expérience de pensée de Wigner, dans laquelle on peut avoir à l'intérieur du laboratoire un ensemble d'un photon, c'est-à-dire le système physique, plus un appareil de mesure, plus un observateur ou des observateurs qui peuvent regarder le résultat. Et là, ce qu'ils voient, comme l'a dit Alexia Ofev, c'est la reproductibilité d'une même réponse du photon aux questions qu'on lui a posées. Et du coup, on peut attribuer un état bien déterminé à l'ensemble appareil plus photon. Mais dehors, à l'extérieur de la chambre, à l'extérieur du laboratoire, il y a un autre observateur qui sait qu'il se passe une expérience à l'intérieur du laboratoire, mais qui n'a aucune idée du résultat. Et lui est pratiquement obligé, il est obligé par les règles de la physique quantique, d'attribuer à cet ensemble photon plus appareil de mesure un état superposé et non pas un état déterminé. Et là, comment tenir compte de ça dans le cadre de l'interprétation CSM? Alexia Ofev, je vous en prie. Oui, dans le cadre de l'interprétation CSM, en fait, les problématiques d'Hamid Wigner sont résolues. Enfin, elles n'ont même pas le temps de se poser parce qu'on a une... Donc, contrairement à l'ontologie relationnelle de Carlo Rovelli, pour nous, on a une dissymétrie fondamentale entre le système et le contexte. En fait, le contexte expérimental, ou d'ailleurs, entre parenthèses, ça peut être un environnement à la Zurek, hein, c'est-à-dire un système qui, on va dire, qui n'a pas été intentionnellement designé pour la mesure, mais qui mesure quand même. Hein. Par exemple, les milieux biréfringents mesurent la polarisation, mais personne n'a été là pour les fabriquer. Donc, un contexte, en fait, c'est le lieu d'émergence d'un phénomène qui, naturellement, va être objectif. C'est-à-dire que tout le monde sera d'accord sur ce qu'on va observer dans le contexte. Et du coup, dans le problème de l'ami de Wigner, comment dire, le paradoxe de l'ami de Wigner, il vient du fait qu'on a un choc finalement entre deux contextes, celui de l'appareil de mesure qui serait dans la boîte et celui de l'ami qui regarderait l'appareil de mesure et le système à l'extérieur de la boîte. Pour CSM, il n'y a qu'un seul contexte. au contexte, moment de l'expérience. C'est un contexte que vous étendez justement à l'ami de Wigner en dehors de la chambre d'expérimentation. Tout à fait, tout à fait. Et pour rebondir sur l'expérience qui a été faite, qui a été mentionnée par Alexei tout à l'heure, il faut bien voir que l'appareil de mesure à l'intérieur de la boîte, dans le cadre de cette expérience de Brisbane, c'était un autre photon. Donc à ce compte-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'appareil de mesure ? Moi, je pose la question parce que un appareil de mesure, c'est un objet pour lequel on peut dire que il a un état classique. État classique au sens où il permettra un accord intersubjectif, justement, entre tous les observateurs possibles, ce qui clairement n'est pas le cas dans cette expérience. Donc je crois qu'on joue un peu sur les mots aussi, quand on parle de mesure, et je crois que la communauté du quantique aurait aussi tout à gagner à se faire un glossaire des mots. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure ? Parce que là, on confond beaucoup mesure et intrication, mesure et corrélation, et bon, ça vaudrait le coup qu'on se mette d'accord, je pense. Peut-être un mot, parce que vous l'avez évoqué, alors on va se retrouver dans le même contexte de l'émission précédente, c'est-à-dire avec pas suffisamment de temps pour en parler, peut-être que ça nous obligera à en faire une troisième, mais vous parlez de l'ontologie relationnelle de Carlo Rovelli, qui postule, et je le dis rapidement, que c'est en fait que l'état définit, c'est la relation entre l'observateur et le système. On est là aussi... il peut être difficile de voir la différence ou en tout cas les distinctions qu'il y a entre l'interprétation de Rovelli et votre interprétation CSM. Et vous travaillez avec lui, je sais aussi. Alors, il reste une minute, Alexia Ofèvre, top chrono. Oui, en fait, la différence essentielle entre les deux approches, c'est lié à la dissymétrie système-contexte ou pas. C'est-à-dire que dans l'approche qu'on a développée avec Philippe et Naïla, le contexte et le système... ils ont des rôles différents. Encore une fois, le contexte, ça va être le lieu d'émergence de phénomènes qui vont donner lieu à cet accord intersubjectif. Uh-huh. Donc, un contexte a un état classique, pour résumer. Un contexte a une nature classique. Dans le cadre de l'ontologie relationnelle de Carlo Rovelli, il va analyser et poser une ontologie pour des relations entre systèmes de même nature. Donc, qui vont être décrits tous les deux par le formalisme quantique, les superpositions, l'intrication, etc. Donc, on est frères à cette différence près. Et cette différence, elle est de taille quand on commence à creuser et à savoir, par exemple, d'où vient le hasard, etc. Ce sera le mot de la fin. Peut-être, Michel Bitbol, est-ce que ça vaut le coup de faire une troisième émission? Je vous pose la question. On pourrait inviter Carlo, qu'on salue d'ailleurs, et dont je rappelle que j'ai eu l'honneur qu'il écrive la préface de mon petit livre sur l'espace qui vient de sortir chez EPA. J'en profite pour faire un peu de promo. Mais on pourrait inviter Carlo, on pourrait parler de l'agencement de Leusien. Je pense qu'on a encore une heure de discussion minimum autour de ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Bitbol? Formidable. Allez, on y va. Je vous remercie beaucoup. Merci Alexia Ofèvre. Merci Michel Bitbol. Merci d'être venu nous parler de ces problèmes passionnants et fascinants. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Ève Etienne, François Malordi, Natacha Triou, Céline Lezen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard, Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui à la technique. Demain, ce sera notre émission mensuelle spéciale autour de l'épidémie de Covid. Tout, vous saurez tout sur les vaccins. Chaque jour, un communiqué de presse nouveau nous assure que tel vaccin est encore plus fort et encore plus puissant que le précédent. Et pourtant, pas de données, pas d'études, juste des annonces tonitruantes et des communiqués de presse. Alors, où en est-on? Quel vaccin, pour qui et pour quand? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.